Bonjour mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, souhaite tous les bienvenus à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Célébration ce vendredi de la journée internationale du travail des travailleurs. Cette fête est en train d'être célébrée partout au Burundi. Dans son discours à la nation, le président de la République a appelé les Burundais à vivre pacifiquement et à éviter des rumeurs pendant cette période électorale. Et dans cette édition, nous reviendrons sur le projet de loi budgétaire exercice 2020-2021. Ce document prévoit des indemnités des acquéreurs des parcelles de Kinyinya et Ruhogo. Et à Oussoni, nous sommes dans la province de Kirundo, au nord du pays. Trois personnes ont été retrouvées mortes. Les mobiles de cet acte ignoble, c'est dans ce journal. Bienvenue pour les détails. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je vous le disais tantôt, le monde est célébré aujourd'hui, vendredi le 1er mai, la journée internationale du travail des travailleurs. Cette journée arrive au moment où certains fonctionnaires demandent au futur président de trouver certaines des solutions pour revoir, se pencher à la question des salaires. L'origine de cette journée avec Fidèle d'Antoine Nsabimana. Cette journée a ses origines aux États-Unis en 1884, quand les syndicats américains se sont donné 2 ans pour imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à 8 heures. Ils choisissent de débuter leur action le 1er mai parce que beaucoup d'entreprises américaines entament ce jour-là leur année comptable et que les contrats ont leur terme à ce jour-là. C'est ainsi que le 1er mai 1986, la pression syndicale permet à environ 200 000 travailleurs d'obtenir la journée de 8 heures. D'autres travailleurs dont les patrons n'ont pas accepté cette revendication entament une grève générale. Le 3 mai, une manifestation fait 3 morts parmi les grévistes de la société McCormick Harvest à Chicago. C'est alors qu'une bombe explose devant les forces de l'ordre. Elle fait 1 mort dans les rangs de la police. 7 autres policiers sont tués dans la bagarre qui s'ensuit. À la suite de cet attentat, 5 syndicalistes sont condamnés à mort. 4 seront pendus le vendredi 11 novembre 1987, connu depuis comme Black Friday ou Vendredi Noir. Malgré l'inexistence de preuves, le dernier s'est suicidé dans sa cellule. 3 autres sont condamnés à perpétuité. Sur une stèle du cimetière de Walden à Chicago sont inscrites les dernières paroles de l'un des condamnés, Auguste Spice. Le jour viendra où notre silence sera puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui. Les syndicats des autres pays se sont inspirés sur le cas des États-Unis pour revendiquer leurs droits. Et certains fonctionnaires de la mairie de Bujumbura souhaitent que le futur président qui sera élu se penche sur l'augmentation des salaires et sur leur développement. Cette requête a été formulée ce vendredi au moment où le Burundi s'est joint au monde entier pour célébrer la journée internationale du travail des travailleurs. Suivez-les au micro de la radio Isanganiro. Nous célébrons cette journée très bon. Nous demandons son candidat, dont vient le président, qu'on augmente le salaire de travailler. Par exemple, moi je suis technicien. Il y a les techniciens qui travaillent à l'hôpital en tant que les techniciens. Nous demanderons au futur président qui sera élu de bien faciliter les travailleurs, amener faire les travaux et en tranquillité, tout simplement en paix. Le nouveau président qui va être élu, et je préfère que ce président qui sera élu fera au moins un progrès pour tous les Burundis, sans distinction, soit du peuple, soit des travailleurs, qu'il fera le tout mieux possible que les Burundis soient sans distinction. C'est notre souhait. Nous demandons au président qu'il puisse nous augmenter donc le salaire, parce que notre salaire n'est pas le salaire suffisant. Oui. Après, nous demandons à son président de nous donner l'augmentation de le salaire des travailleurs, et puis la santé aussi des travailleurs n'est pas suffisante. Au futur président qui sera élu, nous lui demandons de prendre en charge les travailleurs et leur donner un salaire suffisant. Maintenant, nous voyons que le salaire des travailleurs jusqu'à présent, les débuts du mois ne s'achèvent pas. Le salaire des travailleurs est vraiment maigre. Nous lui demandons d'augmenter le salaire des travailleurs. Et le président de la République appelle les Burundais à éviter des rumeurs et de vivre en harmonie à la veille des élections. Dans son discours à la nation à l'occasion de la célébration de la fête du travail des travailleurs, Pierre Nkurunziza a appelé aussi les Burundais à apprendre à élaborer eux-mêmes des projets qui leur permettront de sortir de la pauvreté. On l'écoute. Apprenons à planifier les projets de développement et d'évaluer l'état d'avancement des activités pour que nous sachions qu'il y a eu évolution, que nous marchons sur place, pour que nous connaissions les causes afin de lever les défis. Soyons toujours préoccupés par le travail, car le développement est toujours le résultat du travail et que nous devons manger à la sueur de notre front sans profiter les autres. Faisons sourd oreille aux propagateurs des rumeurs et des montages et faisons usage de discernement, car pendant les élections, il y a beaucoup de rumeurs qui peuvent causer de la dépression à ceux qui ont un cœur léger. Évitons la discrimination basée surtout sur les partis politiques et que les responsables des partis politiques, les administratifs, les chargés de sécurité et les responsables judiciaires fassent preuve de bravoure et d'équité dans cette voie de la consolidation de la démocratie. Évitons les malversations économiques sur base de la perte du lendemain électoral. Ayons toujours à l'esprit que les biens publics ne sont pas notre propriété privée, mais que ce sont des biens communs. Que les responsables politiques consolide la discipline dans l'ère militant, que la compétition soit caractérisée par le fair play et que les militants sachent qu'ils sont tous des Burundais qui partagent le même destin, que les associations sans but lucratif et les églises apprennent à leurs membres l'importance d'une bonne élection et que chacun vote à son choix sans contrainte. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Sécurité à présent, trois personnes dont un homme et ses deux enfants ont été trouvés morts dans la matinée de ce jeudi sur la colline de Guitete en zone Nyagisozi de la commune Busso. Nous sommes dans la province Kirundo au nord du pays. Selon les informations fournies par le chef de zone de Nyagisozi et confirmées par l'administrateur communal, Minani Damasen, âgé d'une trentaine d'années, était suspendu sur un arbre à l'aide d'une corde. Les gens qui l'ont vu ont essayé de pénétrer à l'intérieur de la maison et ils ont trouvé ces deux fils tués. Jusqu'ici, la cause de cet incident, de ce crime, de cet acte n'est pas encore connue. La victime habitait seule avec ses deux enfants car il avait divorcé avec sa femme il y a à peine 2 ans. Les cadavres ont été enterrés ce jeudi dans l'après-midi et la police indique qu'elle a déjà entamé des enquêtes. Je vous le disais tantôt, le projet de loi budgétaire exercice 2020-2021 prévoit une indemnisation de 4 milliards pour les acquéreurs des parcelles du site Kinyinya-Ruhogo. Selon le document des questions et réponses à la commission chargée des finances à l'Assemblée nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur prévoit une insertion des lauréats des écoles d'excellence à l'enseignement supérieur pour un montant de 700 millions de francs bouts. Ici au studio, je suis avec Mireka Nyang. Oui, Moïse, commençons par le document des commentaires de la Cour des comptes qui montre à l'Assemblée nationale qui montre que dans le projet de loi budgétaire exercice 2020-2021, les produits exceptionnels constitués des recettes de la MISOM et de MINUSCA, de la récupération des fonds détournés et malversations, des recettes des collectivités locales et des recettes de l'Office burundais des mines et carrières sont de plus de 21 milliards de francs burundais alors qu'ils étaient de plus de 44 milliards de francs burundais pour l'exercice budgétaire en cours 2019-2020. Et d'après le document condensé des questions et réponses de cette commission à l'Assemblée nationale, un montant de 700 millions de francs burundais prévu est destiné à l'insertion des lauréats des écoles d'excellence à l'enseignement supérieur. Pour ce, explique le document, il y aura création d'une pôle d'excellence universitaire d'achat des équipements modernes ainsi que les salaires du personnel pour accompagner les étudiants ressortissants de ces écoles d'excellence. Autre explication dans ce document de la part du ministre burundais des Finances, c'est qu'à partir de l'exercice budgétaire 2020-2021, le gouvernement burundais a entrepris une politique de se doter des bâtiments publics pour une période de 10 ans, dont l'objectif est de faire des économies des loyers d'immeubles à usage de bureaux pour l'administration centrale. Et une évaluation est prévue après les 10 ans. D'après toujours ce document, il est prévu un montant de 13,2 milliards de francs burundais au titre des provisions pour les élections. C'est un montant à prévoir chaque année dès l'exercice budgétaire 2020-2021 pour constituer des provisions nécessaires pour les élections futures. Comme tu l'avais évoqué, Moïse, selon ce document au titre du budget 2020-2021, il y a un budget de 4 milliards de francs burundais qui est prévu pour indemniser les acquéreurs des parcelles du site Kinyinyaruhogo. C'est en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Eh bien, vous l'avez dit, c'est un montant de 4 milliards de francs burundais. Merci Mireille Kanyange pour toutes ces précisions. Et pour boucler cette édition, la route Kayanza-Bugarama est bloquée depuis ce vendredi matin suite au glissement de terrain survenu au niveau de Kiziba, en commune Matongo de la province Kayanza. Des tracteurs de la direction générale des routes sont à pied d'œuvre et envie de laisser passer des petits véhicules, mais des chauffeurs de camions remorques qui passent par force bloquent davantage la route. La police sur place a décidé d'emprisonner des chauffeurs récalcitrants. Et voilà! À 13h09, c'est par ici que nous mettons la boucle de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à Albert Ndouaï pour sa parfaite collaboration technique. Au revoir.